retirer des braises, ôter de l'être. Appeler à disparaître, rappeler à l'élémentaire. Traîner dans les rêves de son Altesse pleine et entière, à peine altérée. Autre, autrement qu'être en deçà de l'absence, quel altimètre pour mesurer l'absence. Pour compter les pertes, combien de mètres, encore combien de mètres à passer en tête, en silence. Passer en tête, en silence. Combien de mètres, encore combien de mètres, à passer en tête, en silence. La trace des ondes.